Chapitre 5e. Lorsque Chips, rêvassant pendant des heures chez Madame Wickett, se rappelait cette période, il abaissait généralement son regard sur ses pieds et se demandait lequel des deux lui avait rendu un service si signalé. Cela, la cause insignifiante de tant d'événements importants, c'était la seule chose dont les détails lui échappaient. Mais il revoyait la magnifique hauteur du Gable, il n'était jamais retourné depuis dans la région des lacs, et les profondeurs gris-souris de Westwater, le trop-plein d'eau, sous les Screes. Il sentait encore l'air lavé après une grosse pluie et suivait de nouveau le ruban du défilé qui traverse le Styhead. Elle se prolongeait si nettement dans sa mémoire, cette période de bonheur enivrante, ses promenades le soir au bord de l'eau, la voix fraîche de Catherine et son rire joyeux. Elle avait toujours été très heureuse. Ils avaient tous deux mis une telle ardeur à faire des projets d'avenir, mais lui les avait toujours envisagés avec assez de sérieux, même avec un peu de crainte. Il n'y aurait bien entendu aucune difficulté à ce qu'elle vienne à Brookfield. D'autres professeurs, logés comme lui, étaient mariés. D'ailleurs, elle aimait bien les garçons, lui assura-t-elle, et elle aurait plaisir à vivre au milieu d'eux. « Oh, Chips, disait-elle, je suis si contente que vous soyez ce que vous êtes. J'avais peur que vous ne fussiez avocat ou agent de change ou dentiste ou encore négociant à la tête d'une grosse affaire de coton en Manchester. La première fois que je vous ai vu, naturellement. L'enseignement est chose si différente, si importante, vous ne trouvez pas ? Exercer une influence sur ceux qui, en grandissant, joueront un rôle dans le monde. » Chips déclarait qu'il n'avait pas vu la profession sous ce jour-là, ou du moins pas souvent. Il faisait de son mieux. C'était tout ce à quoi on pouvait prétendre dans n'importe quel métier. « Oui, Chips, bien sûr. Je vous adore de dire des choses simples comme celle-là. » Elle n'avait plus ses parents, et quelques jours avant le mariage, elle alla résider chez une tante à Ealing. La veille de la cérémonie, quand le soir venu, Chips partit pour rentrer à son hôtel, elle lui dit avec une feinte gravité. « C'est un événement, vous savez, ce dernier congé que nous prenons l'un de l'autre. Je me fais un peu l'effet d'un nouvel élève qui va entrer dans votre classe. Je n'ai pas peur, croyez-le bien, mais pour une fois, je suis simplement pénétré d'un profond respect. Devrais-je vous appeler monsieur ou bien monsieur Chips serait-il convenable ? Monsieur Chips, je crois. Eh bien, au revoir. Alors, au revoir, monsieur Chips. » Un hansom, faites-le, Hanson, sur la route. La lueur vert pâle des becs de gaz vacille le trottoir mouillé. Des vendeurs de journaux crient des nouvelles sur l'Afrique du Sud. Sherlock Holmes dans Baker Street. Au revoir, monsieur Chips.